Qui exactement avait le rôle de prendre soin du plan matériel? Il nous a jalousés, on deal avec sa mémoire, où il est toujours présent. C'est très présent. C'est pour ça que je vous dis, regardez, allez revoir les travaux de John Keel, l'ufologue. Pourquoi on dit que Satan est le prince de la Terre et maître de l'air? C'est quoi l'air? Pourquoi il représentait avec des ailes ces forces-là? Pourquoi on les représentait de même? Comment est-ce que ça agit sur les gens au niveau, entre autres, la pensée? Pourquoi on incite la pensée, c'est pas votre pensée? Puis d'observer vos pensées, pas vous identifier à vos pensées. C'est par là qu'on se fait avoir. C'est bien, bien subtil.